C'est le monde qui se retourne, et les gens qui se détournent. Y'a les cris au lointain, ce que je veux plus entendre. J'en peux plus de ces bêtes, ça tambourine dans ma tête. Ça fait mal comme un mixeur, ça me retourne les entrailles. On remixe le cerveau, ça descend et remonte. Je me sens cerf-volant, dérangé par les vents. Et ça tourne, tourne, détourne. Et ça tourne, détourne, tourne. C'est la bouille qu'on remue, c'est la mort qui s'étouffe. Et ça tourne, tourne, détourne. Et ça tourne, détourne, tourne. Autour des rochers, il me court après. Je fuis les ombres, je suis en cavale contre le monde entier. Mes pas s'enfoncent dans le sable, j'ai les pieds qui s'enlisent. C'est la boue qui me possède, c'est l'argile qui me dessèche. Et ça tourne, tourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. C'est la bouille qu'on remue, c'est la mort qui s'étouffe. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, détourne. Les horloges sont folles, elles me croquent les oreilles. Elles aspirent le temps, et ça sonne partout. Y'a un marteau dans ma tête, ça cogne fort, ça fait des mots. Je fais travailler par le vide, mon corps fondu dans la glace. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. C'est la bouille qu'on remue, c'est la mort qui s'étouffe. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Et c'est moi qui m'étouffe dans un sac en plastique, le cœur qui s'emballe comme des papiers d'alu, le monde qui s'effondre, les jambes qui s'effritent. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Je suis la bouille qu'on remue, je suis la mort qui s'étouffe. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne. Et ça tourne, retourne, détourne. Et ça retourne, détourne, tourne.